et surtout un être d'apparence pas trop ordinaire comme un homme ordinaire, mais qui se promène avec une lumière, une gloire autour de lui. Yutu, ça la locura batin son ne batambula gatela si mutu, ça batambula gana pole zinga zinga na ye. Il dit, cela s'est avancé droit vers moi. Il y a moi belle pas une vision. Et ça n'est mon réalité. Mais tout aussi naturel que je le suis. Un homme d'environ 200 livres. L'on traduit là 90,6 kg. 90,6 kg. Un homme d'environ 200 livres est venu. Et il avait les bras croisés. C'était un homme d'apparence forte. Mais au visage paisible. Très calme. Et il avait des cheveux noirs qui lui retombaient sur les épaules. Et un visage lisse. Et le visage du Seigneur Jésus dans la vision était comment? Il n'y a aucun artiste qui pouvait décrire les traits caractéristiques de son visage. Mais l'ange, Branham a pu retenir quand même quelque chose. Visage lisse, consistance, corpulence forte, il était costaud. Et visage paisible, et lisse, avec les cheveux noirs qui tombaient sur les épaules. Ta teinture était comment? Le personnage, il était brun. Vous vous rappelez vendredi? Il était brun. Pas un blanc, pas un noir, il était la mouindou. Brun. Qui dit amen? L'ange du Seigneur qui vient converser avec William Branham. Moi, je l'ai encore la salle qui là. Savez-vous que Branham est allé trouver solution à ce problème qui les tourmentait, mais quand il est allé encore raconter l'ange qui est venu les rencontrer, quel scandale parmi ces pas trop dire. Oh, il a encore dit l'ange était un noir. Oui, depuis quand Dieu peut avoir un ange noir? Et c'est ça, non. Branham est exagéré. Branham tabwa kwa magina zamba yango ezala kipona makabwa bana kutumisete nzamba ya pese ye yanu pona ye nukula nzamba ya ki ezaki nete yanu pona ye azala kimalamu kasi tabwa bimasuri sutukuna jenda gulubete kala tabwa na jenda ina kutani pena mwanji na nzambe azala kumunde ee Branham mwolo bakibwa lisusu mwana ya bakisa mili le dieu de Moïse kase le croyance zambe na mwasa zali kwa buka pensa bingi mwini na baku il kase le kutimu de chan zali kwa buka pensa bingi mwini na baku et il mwaka ses enfants ce qui est vrai pa zali kwa tali kwa et de chose réelle pa maka pa mwini pour les mains pour ça et tala te fali nga yopo na yango un dieu exceptionnel zambe ya lolongo ya yopo nza mwini na baku réelle et authentique kati na makambo ya solo pe ya kusiki. Fouillez toutes ces illusions-là, qui des fables des hommes fabriqués par les théologiens. Mais venez à la réalité et croyons ensemble. Il s'est avancé vers moi et il a regardé en bas d'un air pathétique. Comme quelqu'un qui compatit avec un Branham souffrant. Mais tu ne te sens pas que la Branham a dit que nous sommes un regard pathétique. Il a été l'homme Branham. Il s'est questionné, il pouvait avoir les nerfs tendus. Le Branham était victime. Et qui ne comprenait même pas lui-même. Qu'est-ce que je fais pour devenir tout ça? Alors il a dit, n'aie pas peur. Comment de l'autre côté? Et où? Suivez. Quand j'ai entendu cette voix-là, j'ai reconnu que c'était la même voix. Mais il avait dit, ne fume pas, ne bois pas. J'ai reconnu cette voix-là. Mais il avait dit, ne fume pas. Il y aura une œuvre à accomplir par toi quand tu seras plus âgé. Et quand tu seras plus âgé, nous avons vu ici, cette voix-là qui a dit ne fume pas, ne bois pas. C'était dans quelle expérience? Et ça, nous l'avons appelé comment? À l'âge de 7 ans. Nous l'avons appelé comment? Le titre de la méditation était au tableau ici. C'est quelle expérience de William Branham? Il a entendu la voix lui dire ne fume pas. Ouais, ne bois pas. ne suis ton corps d'aucune façon. Mais car il y aura une œuvre qui pardonne quand tu seras plus âgé. Peut-être que ça ne nous salue pas encore et pourquoi ça m'en enseigne à y être encore quoi là. Comment on a fait cette expérience? Tu m'as dit moi. J'avais oublié. Vous voyez ça? Oui. Très bien. Vous allez voir, c'est écrit pendant des jours que on y est revenu. Et nous nous faisons le rappel pour aider ceux qui aiment oublier. Les auditeurs oubliés. La Bible a parlé de vous. Quand vous écoutez l'évangile, ne soyez pas des auditeurs oubliés. Mais yo, zo, yo, ka, vous allez la Bible et puis champion, surtout avec les téléphones Android. Ça vous met dans un système de fonctionnement qui développe l'oubli, qui accélère la capacité d'oublier. Parce que ça vous tire ici, ça vous tire là-bas, pendant que vous écrivez, l'autre écrit, un appel sonne, vous vivez tout à coup le stress et l'embrouillement. Et avec ça, vous oubliez de demander à côté de vous. Il peut vous dire des choses, aussitôt qu'il a fini, rien n'est resté. L'oubliez-là. Les téléphones Android, ce sont des armes de destruction massive. Ça détruit notre société. Sachez les utiliser, mais sachez aussi les mettre en congé. Amen. Ayez le contrôle de vous-même. Je le téléphone ne vous gère pas, mais vous gérez le téléphone. Téléphone est la meilleure pour vous, la meilleure téléphone. Et comme même à ta prière à ton salle à côté, tant que la mobile ou le boss Android, ça le WhatsApp, combien de gagnants il y a? C'est qu'elle dit ça. Pourquoi est-ce que ça me reste? Drogué par le téléphone. Gérez le téléphone. Il y a des moments où tu peux les mettre à distance. Qui m'a raconté? Oh, là où ben pasteur à Zoya Badé, mais à qui m'a rappelé? Vous voulez quoi? Ce que je prêche là, je dois le vivre aussi. Amen. Mais oui, frère. Alors, ce que vous voyez, au Bengi pasteur à Yambité, téléphone à Zambende et son réponse est à la carte. Il y a pasteur et le mot que vous avez à la charge. Au Bengi est injoignable. Ah non, comment tu ne vas pas écouter? Pasteur à Zambende, pasteur à la serviteur à Zambé. Ceux qui connaissent répondent les belles là où il y a le colo. Je te dis que Dieu réagira toujours. Lui ne sommeille ni ne dort. Tu as différence. Moi je suis en colo à Zankoloté. Ah ouais, moi je suis à Zankoloté. Toi tu as déjà différence entre un colo. Ma foi, la bango de ces questions, c'est bango ma casse. Moi quand je pensais presque le double à Moninga. Hein? Oh, pesait 58 kilos, l'autre là-bas, nous l'a intégré. Mais c'est un serviteur. Attends, la parole, c'est un serviteur. Attends, c'était du saint de lumière, non? Dans les buissons. Il a entendu comme le bruit des pas dans les feuilles de l'arbre là-bas. Et puis, mais là, il ne voit à parler. Dans les buissons. Ne filme pas. Comme elle a dit. Ne bois pas. Car il y aura une œuvre accomplie par toi. Quand tu seras plus âgé. Maintenant, celui qui est venu les sept mains là. Plusieurs années après l'expérience de l'âge de 7 ans. Sa voix était pareille à celui qui avait parlé dans les buissons. Mungongo et kokana ki bobelena oyo arabaki likolo. C'est bon là. Quelle grâce de Dieu. Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Hein? Quand nous arrivons ici en 1946, Branham avait quel âge? Il est né le 6 avril 1909. Ya bota makina mukura moto basanza minei. Mubu ya mkoto moko kamali buwana libuwa. Alors les 7 mai. Awa na mukura ya sambu sanza mitano. 1946. Na. A vous donne quel âge vous les enfants de les humanités ou même de l'école primaire. Et puis si vous ne... Vous dites 37. Bon, moi je ne calcule pas. Regardez ce que vous avez dit. La commune, vous le dites. Si vous vous êtes trompé, c'est que alors vous m'avez trompé. Ce qui... 37. Tiens, je suis allé avec vous. Hmm? Oui. C'est bien fait. Et ça arrive, madame. Bon, bien sûr qu'il fallait prendre ça, mettre au-dessus. Le bon classement, hein, pour vous les écoliers. C'est ça au-dessus, parce que l'année ici est supérieure à celle-là. D'accord? Et ça, bon, donc, 46 moins 9. Vous avez l'âge. À l'âge de 7 ans, la même voix qui lui avait parlé. L'appel de William Branham. C'est la même voix qui revient 30 ans plus tard. Et Anunakate, voix naïe, échangea quitté, malgré que Bamboula, 30 et Zaki, entreposé. Mais pourtant, nous les humains, notre voix change. Quand tu prends Frère David, quand il avait 12 ans, est-ce que sa voix parlait comme ça? Aujourd'hui c'est autre chose. Mais cet ange-là, c'est moi je le vois. Anunakate, Ayakashene. C'est la même voix qui revient 30 ans après. Ça c'est bien. Hein? Un jour, nous avons une cité où nous allons vivre. Il n'y aura plus de vieillesse. Voici les usines qui peuvent te rassurer. C'est ces angélés qui vivent dans ce monde-là. L'air ne vieillit pas. C'est actuellement la même voix. Et bien la cancinité. Et sans rouakate. Et ça ouga rapéti. Et ça kakandenge moko chaque fois. Y'a que kakandenge wana. Un jour tu auras un corps pareil. Le Seigneur a dit, vous serez comme les anges de Dieu dans le ciel. À la résurrection. Vous aurez ce genre de corps. Alors, quand ce corps ici souffre, c'est lui, Tikanayo. Nous avons une promesse de Dieu. Ce corps, c'est pour un temps. Nous doit souffrir dans le cadre des tentations pour nous entraîner à vaincre. Nous avons été placés dans le corps de chair pour être attardés. Vous pensez pas qu'il n'y a pas de épreuves. Mais il doit combattre et vaincre. Et celui qui vaincra héritera les choses que Dieu a déjà préparées. Mais les êtres angéliques qui vivent de l'autre côté. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. 30 ans après, quand il y a un mot vraiment, je vois ta voix au yayo. L'ongola t'a mis 30 ans avant. Compare ta voix de cette époque-là et ta voix d'aujourd'hui. Est-ce que c'est la même? Non. Compare. Au Kanisa, non. Alors, notre Dieu possède des choses réelles. Quand il vous dit, ce sera dans un monde, il n'y aura plus de vieillesse, ni douleur, ni souffrance, ni la mort, ni le deuil. C'est une réalité. Vous aimez? Vous aimez? Je vais lire maintenant un peu l'entièreté de l'expérience elle-même. Quand Dieu se révèle à son peuple. Péché le dimanche 13 août 1950. Et c'est à presque toute l'expérience, la conversation. Donc on appelle ça la conversation dans la prédication. Comment l'ange est venu à moi et sa commission Alors, je prends ici, à partir du paragraphe 24, dans à son peuple. Donc, à partir du paragraphe 24, je descends un peu plus loin là-bas. Que le Seigneur nous aide là à lire et surtout à retenir. Vous êtes prêts? Et si vous avez la brochure « Comment l'ange est venu à moi et sa commission » Donc vous pouvez prendre, Jean-Brenham qui fait aussi le récit de cette expérience à partir du paragraphe 143 jusqu'au paragraphe 160. Ne comprenant pas les colombes la cali dit que oh non je vais mukama tout comme na misa tout qui na mukama tout motoba. Donc notez, vous pouvez les méditer à la maison si vous avez la brochure. Parce que c'est le même récit. Mais pour la prédication de ce matin, nous pouvons lire ici aussi, à partir du paragraphe 24, du sermon Dieu se révèle à son peuple. Vous aimez bien? Voulez-vous? Ok. Alors, commençons. Eh bien, la soirée où cela a eu lieu, quand il m'a appelé à son ministère, j'étais dans une pièce, je priais. Oh là là, j'avais prié toute la nuit. Et j'avais, on dirait, un fardeau. Et puis je me suis levé. Je faisais le tour dans la pièce. Et je priais encore. Et j'étais un prédicateur baptiste prophète. J'avais des auditoires parfois de 3000 personnes. Et je tenais des réveils. Des milliers de gens étaient sauvés à la fois. Et j'étais assis là. Et j'ai vu une lumière entrer dans la pièce en oscillant. Et j'ai regardé pour voir où c'était. Je me suis dit, eh bien, tiens, là où j'allais prier, c'est loin dans ces collines. Je savais que personne ne viendrait là en voiture. Et je me suis dit, eh bien, où était-ce? J'ai regardé. C'était là. Juste ici en haut, au-dessus de moi. C'était cette même chose. Et vous voyez dans la photo. Ici, il est en train de commenter, c'était au mois d'août 1950, comme nous avons dit, donné la date ici. Il commentait la photo de la colonne de feu qui était photographiée le 24 janvier à Dallas, à Houston, aux États-Unis d'Amérique. Imaginez-vous juste donc comment vous vous sentiriez. Eh bien, mes amis, les choses, ce n'est absolument pas quelque chose que vous vous imaginez dans votre esprit. Je parle tout aussi directement. Et il me parle tel que je vous parle maintenant. Pas une imagination. Pas une vision. Pas une réalité. L'ange venant converser avec lui. Moi, j'allais et ce n'est absolument pas de l'imagination. Non, pas une vision. Mais une réalité. Vous voyez, j'ai entendu quelque chose partir. J'ai entendu quelque chose marcher. Et j'ai regardé. Et quand j'ai vu les pieds d'un homme, on lui abandonna et longi, ma colonne est biminante. Amen. Lumière. C'est ma lumière. Ma colo. Amen. Va remonter maintenant jusqu'au visage. Écoutez. Quand j'ai vu les pieds d'un homme, il marchait pieds nus dans cette lumière. Et puis ma colo, Amen. Amen. Oh, venant à ma droite, il vient toujours à ma droite. C'est la raison pour laquelle j'ai fait passer la ligne de prière de ce côté-ci. Il vient toujours à ma droite. Vous allez dire, mais frère David, pourquoi votre ange dont vous parlez, lui ne vient pas tout le temps? Je ne suis pas le messager de l'ange. Écoutez mes amis, nous sommes en train de défendre un message, mais dont les signes, Dieu doit nous donner les mêmes signes. Amen. Pour que vous reconnaissiez que nous servons le même Dieu de Branham. Amen. Du côté surnaturel. Amen. D'abord, moi, je ne sais pas comment nous allons dire David, yo, le bel agapé, moi, je n'ai pas eu à la casse. L'année, il y a qu'à ta mouille sauter. Mais les animaux, nous menons à sa beauté. Les animaux, nous allons dire, les animaux, nous allons dire, les animaux, nous allons dire, les animaux, nous allons Dieu donne ces choses pour que les sceptiques croient. Amen. Bon, si vous ne voulez pas croire, l'incrédulité c'est vous. Le domaine de la foi, c'est le domaine de Dieu. Mais il peut vous aider. Je sais qu'il y en a qui seront vos sceptiques. Un ange. Un ange. Moi, je ne peux que témoigner de ce que j'ai vécu. Amen. Ah oui. Quand il m'a rencontré le 28 janvier 1994, j'ai parlé avec lui sans voir son visage. Sur un trajet de 15 à 20 minutes. Pour ceux qui connaissent la ville de Matadi, c'était à ma descente de voiture. Je revenais du culte un vendredi soir. Et je suis descendu sur l'arrêt Bouima, on m'a déposé, et là il n'y avait pas de taxi qui amenait jusqu'au domicile. J'ai commencé les pieds. L'ange s'est approché là. On est avancé avec lui jusque près de la maison. Là il est parti. Mais je n'ai vu personne. L'être a parlé. Mais le 14 mars 1994 de la même année, il s'est rendu visible. La lumière était dans la salle de l'assemblée. L'être là s'est tenu à ma droite, entre moi et le, mon traducteur qui était à ma droite comme ça. Il s'est tenu au milieu. Le même être. Bien-aimé. Balingali. Je ne peux pas ne pas témoigner de ce que j'ai vécu. Si vous, vous êtes incrédule, mais c'est vous. Mais sachez que notre Dieu possède des anges. Amen. Ils peuvent se rendre visibles dans la réalité. En plein culte. Si Dieu te fait grâce, tu peux le voir. Amen. Dans la brousse, quelqu'un ne vivait pas là-bas. Mais il n'est pas gêné. Il est venu entrer littéralement là-bas. Il est le propriétaire des cieux de la terre. L'âge prédilié ne lui dit rien. Parce que lui a cœur, c'est son programme. Alors, soyez débarrasser des idées modernistes. Okay. Comme quand les sept sont été dévoilés. Les prophètes dit, mais vous allez vous demander, mais comment des grandes choses comme ça peuvent être révélées dans un petit tabernacle ici à des personnes vives? De telles choses devraient venir dans les, la grande cathédrale basilique Saint-Pierre du Vatican. Là où le monde sait que c'est bien soigné, aménagé pour Dieu. Mais Dieu n'est pas allé dans tout ça. Il est venu dans un endroit qu'on était en train de réflexionner. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Êtes-vous là? Vous allez bien, il prend les choses pour les fils de la terre. Pour confondre les grands. Il est Dieu. personne ne lui dit ce qu'il doit faire. Lui, Dieu qui nous oblige quoi faire. Êtes-vous là? Vous allez voir, non? Je sais qu'il y a des gens très sensibles. Surtout ceux-là qui minimisent les autres. Ils entendent. Oh, frère David, vous voulez dire quoi? Oh non, frère. Mais je voulais entendre, vous avez dit un ange. On va être moins chelou. J'ai vu un frère agité. Vous agitez pourquoi? Donc c'est étrange pour vous qu'il y ait un ange. Un frère bien aimé à moi. Frère, vous devez faire attention. Il n'y a même pas un pentecôtiste. Mais quelqu'un qui dit, croit le même message que moi. Vous allez mouton, vous allez colomètre, vous allez colomètre, vous allez colomètre. Vous devez faire attention. C'est quelque chose que j'ai vécu. C'est quelque chose que j'ai vécu. Maintenant, on doit me mettre en garde. Mon Dieu. La montre, c'est Dieu qui connaît les cœurs. Amen. Quand je vous ai dit que j'ai vu frère Branham ressuscitant dans une vision, et j'ai vu des frères américains, deux, incapables de chanter la mélodie, croire seulement. Alors, n'allez pas croire aux histoires, hein, parce qu'un tel était à tel endroit, parce qu'il était ceci. Méfiez-vous. C'est Dieu qui connaît qui lui appartient. Ils diront qu'ils ont été des anciens, ils sont ceci. Et Dieu dit qu'il n'y a rien du tout. Allons dans les surnaturels. C'est là que l'identité de chacun apparaît clairement. Allons dans les surnaturels. Pas des choses à fabriquer. Le vrai surnaturel. C'est pas vos apparences là. La grande réputation de ceci est de ça. Le vrai surnaturel. Amen. Ok, Mathé, toi, amen. Alléluia. Amen. Oh, moi, quand je servais Dieu, moi, quand j'étais ici, Dieu existe. Amen. Il possède des signes. Amen. Et il a pris ses dons. Est-ce que vous croyez ça? Que Dieu rend témoignage à ses dons? Les dons et les appels que lui Dieu donne sont irrévocables. Et il laisse celui qui a pris cela. Même quand les hommes rejetteraient. Et c'est ce qu'il est venu faire pour Branham. Les hommes ne comprennent pas. Ils commencent à multiplier les mises en garde. Comme si le diable voulait nous séduire. Mais aucun élu de Dieu ne sera séduit. Amen. Ils sont dans la main de Dieu et lui ne peut les ravir de la main du Père. Amen. Voyez. Et j'ai regardé. Et quand il est arrivé auprès de moi, c'était un homme grand. N'est-ce pas? Il était costaud. Et il pesait environ 200 livres. Il était 90,7 kg. 90,7 kg. On dirait qu'il était tout aussi naturel que je me tiens. Un homme. Est-ce qu'il avait des ailes? Un homme. Arrêtez. De croyance. De fausse croyance. Un homme. Gabriel, quand il est entré chez Marie, tout comme chez Daniel autrefois, c'était l'homme Gabriel. Amen. Un archange, hein? L'homme Gabriel. Gabriel est un homme qui est à Daniel à Cana. L'ange Gabriel fut envoyé chez lui. Moi, je le Gabriel, c'est Balobi et Mobali. Ok. On ne parle pas des ailes et tout. Il avait les bras croisés comme ceci. Et c'était pour moi la première fois de le voir. Sommes-nous là? Première fois de le voir. Sous cette forme-là. Et il s'est avancé droit là où j'étais. Il a baissé le regard. Et il avait un visage lisse. Des cheveux sombres. Qui lui tournaient, qui lui tombaient. On dirait les épaules. Et son visage était imberbe. N'avait pas de barbe. Mais Yesu a mandé, n'est-ce pas? Vous voyez toujours la différence? Le poids, le visage, ce n'était pas Jésus. Son visage était imberbe. Ah, ok. Et il avait un visage lisse. Et il marchait, il a levé les yeux vers moi avec une sorte. Il avait l'air pathétique. Il était un homme de... Eh bien, je ne pourrais pas représenter les traits de son caractère, de son visage. Il avait l'air d'un homme sympathique au bon cœur. Mais pourtant, c'était un homme. Et si il parlait, les choses arriveraient comme ça. Je l'ai donc regardé. Et il m'a regardé. Et j'avais tellement peur que je me suis mordu les pouces au point que cela saignait pratiquement. Il s'est blessé. Écoutez, mon ami, vous l'auriez aussi fait. Ne pensez pas que vous l'auriez pas fait. Et il a dit, n'ayez pas peur. Il aime toujours rassurer les siens. Excusez-moi. Et j'ai reconnu que c'était la même voix qui m'avait parlé tout le long. Et c'était la première fois que je le voyais donc comme ça. Mais j'ai reconnu cette voix-là. Je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant. Pour te dire que ta naissance particulière. Et ta vie particulière. Était mal comprise des hommes. Et il a dit. Ta vie particulière et ta naissance particulière, c'est pour indiquer que tu as un don de guérison divine pour le peuple du monde. Et j'ai dit, messieurs, il ne connaissait pas son nom, messieurs, il n'a pas dit Seigneur Dieu. Il s'est pas mis à genoux devant lui. Ça n'était pas le Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous là? Il a dit, messieurs, je ne suis pas instruit. Je ne pourrais pas partir. Conversation. Et il a dit, je serai avec toi. N'est-ce pas? Il a dit. Et je dis, messieurs, je ne suis pas instruit. J'ai dit, je ne pourrais pas partir. Les gens ne me croiraient pas. Et il a dit, de même qu'il a été donné deux signes au prophète Moïse, il te sera donné deux signes. Voilà. Dans la commission du 18 juin 1933, Dieu a comparé William Branham à Jean-Baptiste. Et dans cette commission, 17 mai 1946, l'ange dit même à Dieu, lui rappelle Moïse, le compare au prophète Moïse. Et Moïse, le plus grand prophète qu'Israël a connu, demeurait sans égal pendant des siècles. Jean-Baptiste, plus qu'un prophète, Selon le Seigneur, son Dieu lui-même. Et le même Dieu, ta notre génération. Il a commissionné William Branham. Il le compare à tour de rôle à ces deux grands prophètes. Qui es-tu pour ne pas croire Dieu? Qui est-tu pour négliger une telle mission? Qui est-tu pour minimiser le message? Répentons-nous et croyons le message de notre temps. Rejetez les préjugés, les arrière-pensées, les faux enseignements des églises. Venons à la parole restaurée. Et Dieu a du bien à nous faire avec. De même qu'il a été donné deux signes au prophète Moïse. Il te sera donné deux signes. Et il a dit, le premier signe, c'est que tu seras en mesure de détecter les maladies par ta main. En tenant avec ta main gauche, la main droite du patient. Tends moi ta main droite. À supposer que toi tu es le malade. Moi je suis Branham. Je tiens avec ma main gauche, je tiens sa main droite. Par ce signe-là, je détecte la maladie dont il s'agit. Plus que les microscopes électroniques. On le cacoute microscope qui coûte très cher. On le canas caméra et mouture le cas. C'est l'IRM qui vous casse la tête à force de chercher l'argent. Et le l'IRM mis sur le projet. C'est le plus grand médecin. Ah, il connaît toutes les maladies. Ah, pas le bon. Il va tenir comme ça. Alors révélé la maladie dont la personne. Comment il s'est beaucoup de hommes ont été commandés. Quelqu'un peut se dire, ah si Père Branham était ici, il serait parti aussi tenir sa main. Alors il m'a pas dit pour le bas qui me comprenait. Mais ton message que son Dieu est ici. Il peut résoudre tout problème. Amen. Amen. Le premier, c'est que tu seras en mesure de détecter les maladies par ta main, en tenant avec ta main gauche la main droite du patient. Et si tu es chez ce rempliant, et que tu amènes les gens à te croire, et que tu es chez ce rempliant, rien ne résistera à ta prière. Même pas le cancer. C'est une commission puissante. Au temps de Moïse, la lèpre, en notre temps, le cancer. Quelle est la maladie redoutable que Dieu ne saura guérir? Maladie nini oyo. Je dois répondre sincèrement. Il n'y en a pas. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Amen. Nazali yawe akobikisaka babokono nayo bonso. Croyez ça, mes amis. Bonso ba oyo araba nyanga nayo. Et voyez. Il a mentionné le cancer. Cancer. C'est l'unique maladie qu'il a mentionné. Et il a dit, alors si tu es sincère, avec cela, il arrivera que tu leur révéleras les secrets de leur cœur. Donc, à part la détection des maladies, par le signe de la main, le deuxième signe, c'est la révélation des secrets de leur cœur. Le fils d'un prophète. Il a dit, voilà les deux signes. Il a dit, je vais. Et j'ai dit, alors, j'irai. Au départ, je ne pourrais pas partir. Et quand il a respiré avec les défis, il a dit alors, j'irai. Avec Moïse, ne fais-je pas la même chose? Les gens ne me croiront pas. Ils diront que l'Éternel n'était pas à Paris. Hé, qu'est-ce que tu as dans ta main? Mets-la ici. Voilà, deuxième signe. Ils ne t'écoutent pas et ne croient pas à la voix du premier signe. Ils ne t'écouteront à la voix du dernier. Mais si malgré les deux signes, ils ne t'écoutent pas, Exode 4, verset 9, Tu prendras la poussière là-bas, tu vas soulever, et le signe va apparaître. Et le début de jugement. Quand Dieu donne une chose, vous voyez à la première occasion. Si vous ratez la première fois, rattrapez-vous la deuxième fois. Mais ne continuez pas à vous opposer à Dieu tout le temps. Il a dit, j'irai. J'ai dit, j'irai. Et il a dit, je serai avec toi. Et juste alors, la lumière a commencé à se condenser. Et elle s'est condensée autour de l'ange. Et elle est entrée dans l'ange. Et l'ange est monté dans cette petite lumière. La colonne de feu que vous avez vue ce soir. Et elle est sortie de la pièce. Je ne saurais quoi faire. Le premier patient vint vers moi. Et je l'ai touché. Il souffrait du cancer. Voyez-vous la fidélité de Dieu? Il a donné la commission. Il est parti. Maintenant le premier malade qui vient. Quand il a touché, comme pour exécuter ce qui lui a été ordonné, il souffrait du cancer. Écoutez, je ne savais pas ce qui clochait chez lui. Je me suis simplement écarté. Et alors je me suis mis à prier. Et le cancer s'en est allé. Le cancer est allé. Dieu de Branham. Branham. Ce qu'il dit, il le fait. Oui, ce qu'il promet, il l'a compris. Oui, ayez foi. Et aujourd'hui, la femme pèse environ 155 livres. Donc 70 kilos. Et elle est en parfaite santé aussi. Une infirmière diplômée de 21 ans. Elle souffrait d'un cancer qui l'avait complètement rongé. Sommes-nous là? Maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Et quand j'ai vu la photo, mais j'ai reconnu que c'était la même chose que j'avais vue depuis mon enfance. Et j'ai reconnu que c'était la même personne. Oh mon Dieu, mes chers amis, je prends la idée. Mais mes chers amis, à mon avis, ce que c'est Dieu. Pour les sceptiques et les incroyants qui ne croyaient pas aussi. Afin que vous croyiez. Dieu nous a donné des signes pour le monde aujourd'hui. Paragraphe 30. Il envoie toujours des signes. Ne croyez-vous pas cela? Et voici à quel signe vous les reconnaissez. L'histoire des bergers dans les montagnes, non? Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté. Est-ce vrai? Les mages suivaient une étoile qui les conduisait. Dieu donne toujours des signes et des prodiges. Et je pense que c'est un signe qui nous fait savoir que nous sommes dans le dernier jour. Et même incroyant n'a pas d'excuse aujourd'hui. Vous voulez vous dire amen? Que Dieu soit béni pour ce message bienfaisant. Dieu qui se révèle à son peuple. Et le paragraphe 24 à 30. Voyez? Dieu qui se révèle à son peuple. Est-il le même Dieu parmi nous? Avons-nous des signes? Peut-être pas exactement les mêmes signes. Mais des signes que Dieu nous donne aussi parmi nous. Vous connaissez même Dieu. La colonne de feu est-elle une réalité? L'ange des Seigneurs est-il une réalité? Ce ne sont pas des imaginations. Des choses que vous vous fabriquez. Mais les réalités infaillibles de notre vie. Vous avez suivi la conversation de l'ange du Seigneur avec William Branham. Voilà, c'est à travers là que la commission d'aller dans le monde entier prier pour les malades, prier avec sincérité, et que rien ne résisterait à sa prière, même pas le cancer. La bonne mot, dans la première commission du 18 juin 1933, il a comparé à Jean-Baptiste un prophète. Dans la deuxième commission que nous avons encore relatée aujourd'hui, Dieu l'a comparé à Moïse un prophète. Mais dans la vision de 1934, lors de la pose de la pierre angulaire du Branham Tabernacle, nous l'avons analysé dimanche passé. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Vous vous rappelez? Faire l'œuvre d'un évangéliste en attendant le temps où le ministère allait changer. Et dans le travail d'un évangéliste, il y a la guérison des malades. Alors, le premier signe qu'il donne à ce prophète, ici dans la deuxième commission, à la guérison divine. Annonce et confirme les dons de guérison divine. Et nous allons encore détailler un peu cela semaine, Dieu voulant, pour vous aider à bien situer le ministère qu'avait William Branham. Preuve à l'appui. Que Dieu vous bénisse. Ayez foi. Ayons foi. L'homme Branham est parti. Mais la commission, elle a enregistré, elle continue à répéter à nos oreilles. Et à notre cœur, les effets de guérison jusqu'à la fin. Pour que quand on croit et valorise les dons. Pas idolâtrer les dons, mais valoriser les dons. À un don de guérison, à la parole parler. Accompagne son message. Ayez foi dans son message. Frère, ne manquez pas de croire. Voyez, par les deux commissions juxtaposées, William Branham ne peut pas manquer d'être un prophète. Amen. William Branham a confié son temps de faire nos secours. C'est justement son ministère prophétique qui est le plus contesté dans le monde des églises organisées et dénominations. Nous avons quand même examiné le fameux acte de Mosakoli. Ne battu basambe ni basali ko boye toko chatembe na yango makasi koleka. Nous croyons des messages, nous savons qu'il est prophète et nous le croyons. Mais les autres là-bas trouvent les bons prophètes. Et multiplient les recherches pour confirmer d'après eux qu'il est un faux prophète. Mais Dieu qui envoie les siens a identifié son ministère. A cité littéralement prophète. Mais je vous ai démontré ici que William Branham lui-même n'a jamais dit qu'il était un prophète. Mais Dieu, l'a identifié. Qu'allez-vous croire? Si l'homme pour chercher la commission dit, il refuse de s'appeler prophète. Avant de pouvoir faire bénéficier quelqu'un du don du discernement, des secrets de cœur et de même des maladies là, il demandait toujours, croyez-vous que je suis son prophète? Il fallait croire d'abord ça pour accéder au reste. Donc là, il y a beaucoup. Amen. Il fait de grandes choses, Dieu. Ayez foi en lui. Toujours croire. Prions chacun maintenant. Allons la parole que nous avons entendue. Dieu de réalité. Pas de fiction. Reconnais maintenant toi aussi. Et ton Dieu peut. Du passé au présent. Du présent à la restauration. Du présent à un meilleur avenir. Un meilleur futur. Dieu peut tout à tout moment. Prions vraiment chacun. Prions vraiment chacun. Thank you. traducteur pour de mettre compatir vraiment. C'est ce que lui le compatissant. Enlever de ton cœur toute incrédulité. Quand tu te tiendras dans la présence de l'ange du Seigneur. Dans cette sainte présence du Seigneur. Les choses changeront. Quand nous étions allés là-bas à la campagne d'évangélisation, mini campagne. Il était arrivé le temps où nous devions faire l'appel à l'hôtel. Comment au Kamuganga, Mois de juin. Il nous a été montré l'ange du Seigneur à droite de l'hôtel. Moi, je au moment de l'appel à l'hôtel. Mais là où il s'était tenu. Et si il a été physiquement parlant, avant de disparaître, une personne est venue à cet endroit-là. Dès cet instant-là, une vie a été gagnée à Christ. Elle s'est évanouie. Cette personne est dans la salle ici. Le même Dieu existe encore. Il contrôle les esprits. Il peut convertir encore les cœurs. Le Dieu de Moïse. Dieu de Jean. Dieu de Paul. Il est notre Dieu dans cette église. Il est notre Dieu dans cette église. Il a eu pitié de ton âme. Et qu'il te montre sa grâce encore une fois. Il peut pardonner de nombreux péchés. Il peut soutenir la marche des faibles soyons. Rien n'est impossible sur la vie. Oh, merci Seigneur. Notre Dieu fait tout à tout moment. Je ne désespère jamais. Aïe, point dans le Dieu vivant. Madame. Encore et toujours il est le même. Nous sommes il guérit toute maladie. Il nous sauve de la vie du péché. Il vous libre des liens d'iniquité. Il casse les coutumes et les croyances. Il détruit les sales habitudes. Il peut faire de toi un saint innocent de personne. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh merci. Reconnais l'heure de sa visitation. Reconnais l'heure de la visitation de Dieu pour ton âme. Que cela ne passe pas inaperçu. Thank you. encore une fois, Seigneur, que les méditations venaient de ta part. On savait changer le cœur et les cœurs. Transformer la foi. Il réveille la foi. Seigneur, pour pouvoir. Pour tous les trucs. Non, mon péché. N'importe quand, je m'en vais. Ne te place pas toi-même. Cherche la face de Dieu. Il est un Dieu réel. Nous n'allons pas partager avec vous les imaginations. Vous les choses imaginées. Nous parlons de vraies réalités. Il n'y a rien, Mais quand il fait quelque chose, nous sommes Amen, amen, amen, amen, amen. Nous allons prier encore. Dieu bien-aimé, le Dieu de l'Amen. Ma parole est oui et amen. Mon évangile est salut et oui et amen. Guéris nos corps. Changez nos caractères. Guéris nos personnalités. Entends le cri de nos cœurs. Mets le réveil dans nos cœurs. Que nous vivions pour toi chaque jour. Exauce nos prières. Seigneur. Tu as des anges réels. Tu as une présence réelle. Tu as le pouvoir du réveil. Je prie pour cette église. Il y a encore des défauts. Recharge-la. Conduis-nous en avant. Vérifie les membres de notre église. Pour atteindre le bon niveau. Tout cela pour pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Visite nos familles. Visite nos maisons, Seigneur. Visite chaque frère. Se laisse conduire par les sentiments. Afin que la parole devienne le dirigeant. Nous ne voulons pas être charnels. Nous voulons devenir spirituels. Toi seul peux les rendre possible. Que Dieu soit béni et loué. Zambé, à part pour la personne, Zambé.